Amy Beaulieu dévoile une partie de ce qui lui passe par la tête. La revue Planche, en kiosque dès maintenant. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Cette année, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. Good evening, ladies and gentlemen. C'est un rendez-vous le 14 novembre prochain, de 10 à 16 heures, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. I'm alright. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Pour que votre rêve devienne réalité ou pour un loisir, l'École de musique Symphonia vous offre une formation musicale qui se distingue. Des cours personnalisés en piano, violon, chant, guitare, ainsi que des ateliers en groupe pour une clientèle de tout âge. Également disponible, la location de studios de pratique. Symphonia, un endroit unique qui se démarque par ses événements culturels et ses concerts. Le 25 octobre prochain, à 14 h, l'école vous convie à un beau dimanche musical. En concert, le pianiste Alain Châteauvert interprétera des extraits de son plus récent album. Au programme, Beethoven, Liszt et André Mathieu. Billets en prévente à l'École de musique Symphonia. 1083 Boulevard Vachon-Nord, Sainte-Marie-de-Beauce. 418-387-1606. École-symphonia.com. Pour que votre rêve devienne réalité ou pour un loisir, l'École de musique Symphonia vous offre une formation musicale qui se distingue. Des cours personnalisés en piano, violon, chant, guitare, ainsi que des ateliers en groupe pour une clientèle de tout âge. Également disponible, la location de studios de pratique. Symphonia, un endroit unique qui se démarque par ses événements culturels et ses concerts. Le 25 octobre prochain, à 14 h, l'école vous convie à un beau dimanche musical. En concert, le pianiste Alain Châteauvert interprétera des extraits de son plus récent album. Au programme, Beethoven, Liszt et André Mathieu. Billets en prévente à l'École de musique Symphonia. 1083 Boulevard Vachon-Nord, Sainte-Marie-de-Beauce. 418-387-1606. École-symphonia.com. Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue à cette édition du 20 octobre 2015 de l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Toujours fidèle au poste, Audrey Caro à l'animation, donc, qui aura le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et bien sûr, comme à l'habitude, vous rappeler que tous les sujets de l'émission, également la balado-diffusion, les actualités en arts visuels, calendrier d'événements, également des billets publiés tout récemment par nos collaborateurs sont disponibles sur notre page web www.laérospatialecknrl.wordpress.com. Également, vous pourrez télécharger la sélection audio de Simon Roy qui nous fait de très belles suggestions à chaque semaine, mais également aussi, on vous invite à aller aimer la page Facebook aussi de l'Aérospatiale pour tout suivre de l'actualité en arts visuels. Mais également, vous pourrez aussi trouver, à vrai dire, quelques informations sur un événement qui se passe dans deux semaines, donc à l'émission du 3 novembre. Soyez à l'écoute. Celle-ci sera une émission spéciale dédiée à notre dossier de l'automne. Mes collaborateurs et moi-même nous intéresserons à la question de l'art public à Québec. Donc, une heure entière consacrée à l'art public avec des sujets tout à fait pertinents et des invités aussi qui nous aideront à réfléchir plus profondément sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on commence notre émission en première demi-heure avec Samuel Breton, qui est là pour parler de sa nouvelle œuvre, Le géant de l'anglo-pulp, réalisée à la bande vidéo et qui est présentée jusqu'au 15 novembre. Également, je reçois Caroline Belzile-Normand de la Chambre Blanche, qui va venir nous parler du nouveau catalogue informatisé du Centre de documentation de la Chambre Blanche. On aura également aussi l'occasion de discuter ensemble des résidences de recherche offertes par le centre. En deuxième partie d'émission, on parlera avec Anne-Sophie Blanchet de la foire en art actuel qui a lieu cette semaine à l'Œil de Poisson. Et également, on va terminer l'émission, bien sûr, avec Jonathan Villeneuve qui va venir nous parler de son œuvre Le Grand Bleu du Nord que l'on retrouve maintenant dans le nouvel amphithéâtre de Québec et qui a été inauguré la semaine dernière. Et comme toujours, la sélection musicale de Simon Roy tout au long de l'émission. Pour l'instant, je vous propose bien sûr notre revue de presse qui a lieu bien sûr à toutes les deux semaines. On commence par apprendre une nouvelle collaboration internationale pour le centre d'artistes Avatar. Et c'est en collaboration avec l'European Network for Contemporary Audiovisual Creation, l'ENCAC, que Avatar prend part à un réseau d'échanges internationaux. Au bout du processus, auront lieu 5 résidences d'artistes dans 5 lieux différents, dont Berlin, Montpellier, Nantes, Québec et Gijon. La directrice artistique d'Avatar, Caroline Gagné, qu'on a reçue dernièrement à l'émission, faisait partie du jury qui a analysé 361 propositions provenant de 51 pays au cours de ce premier appel de dossier qui avait été lancé. Et Avatar aura le plaisir d'accueillir en 2016 le duo Gansfeld. Et c'est la clarté et la cohérence de leur démarche artistique qui a suscité l'admiration chez le jury de l'ENCAC et de la directrice artistique d'Avatar. L'European Network for Contemporary Audiovisual Creation est un réseau soutenant l'innovation artistique en associant les connaissances, l'expérience et les ressources de ses membres aux missions différentes et complémentaires. Également, le 21 octobre, donc demain, aura lieu la première journée sans culture, qui est en fait une grève volontaire et symbolique portée par des artistes, travailleuses et travailleurs culturels. Dans le cadre de cette journée, les membres de cette communauté donc se donnent le temps d'arrêt, une pause afin de réfléchir collectivement à des enjeux qui touchent le milieu élargi de l'art. Des gestes et réflexions seront posés tout au long de cette journée-là à différents endroits au Québec pour appuyer cet événement. Et il y aura également un important rassemblement organisé au théâtre aux Écuries à Montréal. Les points de vue et réflexions colligées au cours de cette journée seront ensuite mis en circulation dans le but de faire contrepoids à une absence ressentie de voix politique pour les arts. La journée sans culture ne se présente donc pas comme un refus de travail, mais plutôt comme l'amorce d'une nécessaire conversation collective sur les enjeux qui portent à ce milieu. Plusieurs organismes et partenaires ont d'ailleurs manifesté leur appui à cette journée, notamment le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, les centres d'artistes La Centrale, SCOL, Caravanserail, Vertical, La Chambre Blanche à Québec, le festival Viva Art Action, la galerie Léonard et Bina Hélène et les magazines Spirale et etc. Média, ainsi que plusieurs autres. À Québec, la Chambre Blanche invite les membres de la communauté artistique à venir discuter d'idées, de visions et ou de projets en correspondance avec cette journée sans culture sur les réseaux sociaux. Un événement Facebook sera d'ailleurs lancé le 21 octobre pour amorcer la discussion. Donc, on vous invite bien sûr à consulter le site www.journeesansculture.ca pour toutes les informations. Une dernière nouvelle internationale ici pour dire que un nouveau site Internet lancé mercredi par les musées nationaux français, Images d'art, va permettre au grand public de découvrir, collectionner et partager gratuitement les photographies de 500 000 œuvres. Ce site est une belle manière de faire progresser l'accès de tous à la culture grâce au numérique, a estimé la ministre française de la Culture, Fleur Pellerin. Alors voilà, j'invite dans le fond tous les amateurs d'art et bien sûr les historiens d'art aussi à aller voir justement ce site Images d'art que l'on peut retrouver en ligne. Donc je suis certaine que ce sera très apprécié par tous pour découvrir la culture artistique internationale. On s'en va en courte pause audio. Cette semaine, Simon Roy nous a préparé une sélection fort intéressante. Il s'agit de À la claire ensemble, de l'album Un piou-piou parmi tant d'autres. On va écouter l'extrait Tu soyes. We'll be right back. Alors, depuis vendredi dernier, il est possible de découvrir à l'espace d'exposition, donc de la bande vidéo, la toute nouvelle œuvre de Samuel Le Breton, intitulée Le géant de l'anglo-pulp, ou l'anglo-pulp, si on veut dire. Mes parents le disaient l'anglo. L'anglo, c'est justement ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est-tu ça, la fameuse anglo qu'on parlait, donc, qui est en fait la papeterie White Birch, c'est exact. Ça? Oui. OK. Et moi, je suis très curieuse parce que j'ai été voir cette exposition-là. Donc, premièrement, je voulais te dire bonsoir Samuel, bien sûr. Bonsoir Audrey. Les convenances. Oui, tout à fait. Donc, je suis allée voir cette expo-là, moi, dimanche. Et puis, j'ai eu une superbe surprise en allant là-bas, une œuvre un peu multidisciplinaire, si on peut dire, mélange à la fois animation, dessin, performance. Comment tu réussis à mettre tout ça en un pour créer cette œuvre-là? La question, je pense, ça serait plus... la réponse, là, c'est plus... Quand tu as une vision, moi, dans la manière que je construis mes œuvres, il faut que je trouve une solution. Puis j'ai dans mon bagage beaucoup de dessins, mais j'avais aussi du dessin animé. Donc là, c'est pour ça que au début, je croyais pas utiliser le dessin animé autant. Puis finalement, je me suis rendu compte que pour faire apparaître réellement ce que j'avais en tête, j'avais pas le choix d'utiliser le dessin animé, qui permettait comme vraiment d'éclater un peu le projet. Donc c'est de là les mix là des médias qui... OK, super. Parce que dans le fond, finalement, cette œuvre-là, on te voit performer à l'intérieur, mais ça, c'est quand même toute qu'une performance parce que c'est de la pixelisation, finalement, je pense, que tu as utilisé pour cette vidéo-là. Oui, donc l'animation image par image, on prend des photos, je bouge un peu mon bras, je prends une autre photo. Donc, au total, il y a au-dessus de 3000 photos de prise. Oh, quand même! Mais il y a un parcours, on a vu, là, c'est vraiment un parcours que je répète toujours les mêmes actions à peu près. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce qui m'a frappé, le côté très... Les actions répétitives qui sensiblement sont les mêmes d'une fois à l'autre, avec quelques variations. Mais ouais, donc surprennent un peu. Donc, on s'attend un peu à voir à peu près la même chose, mais tantôt l'artiste va... on voit pas le même visage qui apparaît. Donc, si je fais, mettons, un parcours d'un cycle complet, c'est que je suis tantôt assis sur les toits de l'usine. Je me lève. Je soulève. Je cherche dans la cour intérieure de l'usine un livre. Je sors le livre. Et c'est des géants de la pensée humaine que je sors sur papier. Donc, oui, c'est ça. Il y a Marx, notamment, Darwin. Marx, Freud, la Bible. La Bible aussi, oui. Et l'Odyssée d'Homère. Donc, je sors un livre je regarde le livre. Je fais une interaction avec le livre. Je le mange, il devient l'étoile communiste, je regarde la caméra, je reviens, le livre disparaît, je m'accote sur mes genoux et mon crayon que j'ai dans les mains, qui est géant lui aussi, comme moi, c'est ça. Va saigner de l'encre, qui fait apparaître une phrase tantôt tirée du livre, tantôt complètement surréaliste, où ce que là je mixe deux idées ensemble. Je me lève, je vais m'accoter sur l'usine et pendant que je suis à côté, j'ai ma cigarette, crayon à la main. Oui, c'est ça, le crayon devient toutes sortes d'objets. Le crayon fume le visage du penseur. Tantôt, c'est le réel penseur qu'on voit et tantôt, c'est une déconstruction du penseur. On peut voir le haut du visage, mettons, du frère André avec le bas du visage d'Homère ou des choses comme ça. Donc, je déconstruis un peu au fur et à mesure. J'éteins ma cigarette dans les cheminées où je trempe. Tu trempes ton crayon. Mon crayon dans l'encre de l'usine White Birch, qui est l'anglo. Oui. Et suite à du moment où je retire le crayon, donc on voit apparaître une fumée. Et de cette fumée-là, la fumée, c'est une manière de réfléchir à ce qu'on a vu. Réfléchir au livre, réfléchir à la pensée qui a été écrite dans l'eau. Et c'est ça. Et ainsi de suite, parce que c'est ça, cette... Je retourne m'asseoir, Exactement. Oui, puis il y a toujours aussi ça, une petite interaction relative à ce livre-là aussi. Donc, par exemple, à un moment donné, je pense à Freud, là, on le voit coucher, là, et puis il y a comme des réminiscences de l'inconscient qui apparaissent en noir et blanc. J'ai trouvé ça quand même intéressant parce que vraiment, il y a ce rapport-là, oui, aux références littéraires, mais aussi, moi, dans cette œuvre-là, j'ai beaucoup vu aussi l'idée du père, de la création, de Dieu aussi, qui ces idées-là qui semblent être un peu omniprésentes là. Dans... Oui, c'est vraiment un projet comme ça. C'est et sur le coup, hein, comment que ça fonctionne là pour obtenir un projet d'exposition, c'est qu'on soumet une idée et je croyais pas que ça allait donner ça. C'est à force de construire mon projet que finalement je me suis rendu compte qu'il y avait une notion du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben, quasiment, là, oui. Et donc, c'est devenu un peu étrange. Et j'ai utilisé l'image de mon père beaucoup à l'intérieur du projet, l'image de mes enfants. Mais en effet, c'est comme je réalise que je suis de plus en plus, en tant qu'artiste, dans une certaine quête de la création et du créateur. Mais le créateur avec un C minuscule comme le C majuscule, donc... Ouais. Puis à travers cette quête-là, bon, ben oui, j'ai des réflexions, là. Puis il y a des pistes, il y a des penseurs qui ont réfléchi à ça, là. Oui, puis c'est ça, parce que justement, ça m'amène à un peu ton rôle au sein de cette œuvre-là. À la fois, t'es comme l'artiste, t'es aussi un créateur, tu deviens le géant, puis aussi une figure du double au travers avec toi-même, justement, dans ces réminiscences inconscientes, là. Je m'entretue, je suis semi-mythologique, j'ai un drôle de statut là, dans cette œuvre-là. J'aurais cas, de la misère à le décrire. Il y aurait vraiment une belle analyse, là, je pense, psychanalytique à faire dans tout ça, ou du moins très, très intéressante. Puis, ouais. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a beaucoup accroché, le côté aussi très surréaliste que ça donne au bout de la ligne. Oui. Puis je sais que tu es un amateur de films. De collage, de films et tout, mais surtout, ça me fait penser un peu à Buñuel, cet univers-là un peu surréaliste, totalement fou, là, un chien andalou, qu'on est comme, on regarde ça, elle se coupe l'œil et tout. Il y a des choses un peu étranges, justement. Toi qui te... Je veux dire, avec le crayon, te transperces. En tout cas, bref, il y a vraiment quelque chose de ça, je trouve, qui ressort beaucoup dans cette œuvre-là. Et puis, j'imagine que cette influence-là aussi du cinéma est pas anodine là, dans ton travail, là. C'est sûr, là... Je peux pas faire la part des choses entre les influences puis qu'est-ce qui est comme créé comme juste de manière intuitive là. Mais en effet c'est sûr que le cinéma il m'habite là. Puis j'ai trouvé que particulièrement intéressant aussi le fait que tu aies ajouté dans l'espace, donc il y a cette vidéo-là qui est projetée avec le dessin aussi au mur de Lenglo, mais il y a aussi de l'autre côté, des éléments à la fois, je veux dire, ton... On a le vestiaire. Ouais, genre le vestiaire un peu, mais en même temps, un vestiaire qui devient un peu poétique aussi. Oui. Ce manteau que tu portes un peu qui devient pochette aussi en même temps. Mais il y a une petite vidéo d'ailleurs, là, où de façon assez intéressante, là, l'objet en soi, la transformation de l'objet, là. Oui, c'est un projet, tout le projet est un projet en métamorphose, là. Donc, on part d'une idée et on essaie de la sublimer, de la rendre comme plus grande que ce qu'elle est à l'origine, on s'entend. Là. Mon seul désir, c'était d'être un géant avec l'usine au début. Il y a 3 ans de ça, c'était, ou même plus, là, en 2011, quand j'ai écrit la première fois dans mon carnet de croquis l'idée, c'est déjà en 2011. Donc, au mur, là, on retrouve, oui, le vestiaire, on retrouve les artefacts du projet. On a le vestiaire avec les vêtements, mais on a aussi la bibliothèque avec les livres, où on voit comme, de manière physique, une des métamorphoses que je crée sur... une des animations que je crée sur les livres. Donc, la Bible, c'est une vierge qui était comme gravée à l'intérieur de la page couverture et qui pleure de sang. Dans la vidéo, on la voit très bien pleurer de sang. Mais là, à la fin, moi, quand je l'ai créée, il reste la peinture sur la page couverture. Bon, donc, on voit comme le résultat dans la bibliothèque du géant. On peut voir aussi le carnet de croquis de l'artiste. Oui, donc qui est magnifique d'ailleurs. On rentre un peu dans l'atelier du créateur, avec comme d'autres dessins, d'autres réflexions, un peu mon parcours, avec le crayon géant qui est exposé comme étant un genre de bibelot, mais plus grand qu'encore, toujours comme plus grand que nature. Oui, puis et donc la dernière œuvre, c'est le kiwi papillon. Mon costume que je porte, c'est un kiwi le plus classique des classiques qu'on a tous porté dans les années 80. Et donc il devient, il sort de sa poche et devient un papillon. Exact. Et donc ben oui, c'est sûr que c'est symbolique, métaphorique. Puis, oui, une belle façon de tourner poétiquement l'objet, je trouve aussi. Eh bien, vraiment, moi, en tout cas, je vous suggère à tous d'aller voir cette exposition-là qui, comme je disais, se termine le 15 novembre. Donc, vous avez encore le temps, mais quand même, il ne faut pas oublier d'aller la voir parce que c'est vraiment une très, très belle exposition. Et puis, peut-être souligner aux gens aussi qu'il y a des carnets de croquis qu'on peut se procurer sur place. Et je vous invite fortement à les consulter. Vraiment, tu es un excellent dessinateur, merci, Samuel. Bravo. Et puis, peut-être souligner en dernier qu'il y a également, parallèlement à ton exposition, une diffusion web aussi sur le site de la bande vidéo, donc Zoonomia de Yeong Jin Kim, qu'on peut voir également sur le site, donc à ne pas manquer aussi. Merci beaucoup, Samuel, d'être merci, venu Audrey. Nous voir. Merci. Alors, on vient d'entendre l'extrait post-Rigaudon de À la claire ensemble. Il y a deux semaines, le Centre d'artistes La Chambre Blanche a mis en ligne une version améliorée du catalogue informatisé de son centre de documentation. Et pour nous en parler plus amplement, j'accueille en studio Caroline Belzile-Normand, agente aux communications et documentaliste à La Chambre Blanche. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je trouvais ça intéressant aussi quand j'ai vu passer cette nouvelle-là. Souvent, on va dans les centres d'artistes pour voir des expositions, mais on oublie des fois qu'il y a d'autres fonctions au centre d'artistes. Mm-hmm. Et puis à la Chambre Blanche, donc, il y a un centre de documentation notamment. Oui. Puis j'étais curieuse de savoir, est-ce que ça fait bien longtemps que ça existe, ce centre de documentation-là? Oui. En fait, depuis la fondation du centre en 78, le centre de documentation fait vraiment partie du mandat de recherche de la Chambre Blanche. Donc, c'est vraiment un aspect sur lequel on essaie aussi de travailler très fort. Puis on reçoit deux fois par année auteurs, artistes, commissaires pour une résidence de recherche dans notre centre de documentation. OK, super. Et puis, ben, ce catalogue-là, c'est une... dans le fond, on parle d'une nouvelle base de données, mais ça existait déjà au préalable, je pense. Oui, oui. Quelles ont été les améliorations qui ont été apportées à ce nouveau catalogue-là? Ben, en fait, on pourrait dire qu'il a été complètement restructuré à zéro, parce que c'était une base de données qui fonctionnait pas très bien entre les nouvelles plateformes web. OK. Oui. Donc, il a été vraiment amélioré, mais on a pu réimporter toutes les données qui avaient été enregistrées de l'ancien catalogue informatisé sur le nouveau. Puis les paramètres de recherche ont été modifiés un peu aussi. Mm-hmm. Je dirais aussi qu'il va y avoir des nouveaux ajouts qui vont se faire d'ici peu. On aimerait qu'il y ait une section utilisateur pour que les gens puissent sauvegarder leurs recherches en ligne. Ah oui, ça c'est très utile pour être chercheuse dans mes temps libres. C'est toujours bien pratique d'avoir cette option-là. Ah oui, exactement. Puis on aimerait aussi qu'il y ait une fonction automatiser les prêts, que de plus avoir de fiches papier. Dans le fond, que tout serait informatisé. Okay. Puis, c'est ça, inviter aussi tous les membres actifs, les membres amis qui auraient déjà en ligne un compte sur le site web, ce qui permettrait aussi un échange parmi déjà les membres. OK. Et puis, donc là, tu disais, ça a été le fun parce que c'est accessible aux plateformes mobiles. Donc, oui. Et puis, également, je me demandais, est-ce que ce centre de documentation-là est accessible à tous? Oui. En fait, moi, je suis disponible pour les recherches pour tout le monde, aide à recherche. Puis par la consultation sur place des archives périodiques, catalogues et tout ça. C'est juste pour l'emprunt des documents, il faut être membre ami, donc payer une petite cotisation annuelle pour pouvoir emprunter les documents. Mais sinon, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est vraiment un service qu'on offre à la communauté. Oui, puis ce qui était intéressant aussi, c'est surtout que c'est des ouvrages qui sont spécialisés en art, particulièrement en art contemporain et actuel. Oui, oui. Donc, vraiment, pour tous les chercheurs, c'est très pratique, mais aussi pour les gens qui s'intéressent à l'art, on peut aller voir toutes ces productions-là, puis beaucoup d'artistes québécois, j'imagine, aussi. Oui, ben oui, c'est vraiment intéressant parce que des fois, l'année passée, on a reçu quelques étudiants de l'UQAM qui étaient venus spécialement ici pour leur recherche à la maîtrise en histoire de l'art. Donc, c'est vraiment un outil qui est ouvert à tous. À tous. Et puis, justement, tu as mentionné tout à l'heure au passage que vous recevez deux fois par année des gens en résidence de recherche. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne? À qui ça s'adresse exactement? Oui. Je dirais à surveiller pour mars, février, il va y avoir un appel qui va être lancé. Puis c'est pour auteurs, commissaires, artistes qui veulent faire une recherche pour comment le centre de documentation peut aider dans votre recherche à vous ou un éventuel événement, publication, etc. Puis ce que le centre offre, c'est une résidence de 6 à 8 semaines, un hébergement, des honoraires de 1 000 $, aide à la recherche et frais de transport. Donc quand même, non, c'est vraiment c'est comme une résidence pour les artistes, mais cette fois-ci pour la recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc, avis à tous les chercheurs, chercheuses, artistes, commissaires, oui, là, qui font des recherches. Donc, il s'agit juste de participer à l'appel de dossier. J'imagine on envoie une proposition de ce qu'on veut faire comme recherche. Oui, exactement. Parfait. Et ainsi, j'imagine tous les autres documents, là, comme un bon appel dossier se doit d'avoir, là, CV, démarche artistique, puis une sélection de textes aussi. OK, oui, exactement. Alors, je pense aussi que vous allez avoir quelqu'un bientôt qui va être en résidence de recherche. Oui, il s'agit de Claire Mauder, qui est en ce moment à Est-Nord-Est. Puis elle va travailler beaucoup sur... c'est surtout une commissaire et auteure. Puis elle s'intéresse beaucoup à ce comment le visiteur reçoit, disons, les œuvres. Donc, il y a beaucoup de stratégies de résistance à l'image, dont l'obscurité, accélération, séquençage du rythme, brouillage, suppression du support. Donc, plusieurs stratégies de l'image. Puis, elle va s'intéresser à toutes les œuvres qui se sont produites in situ, hors les murs, à la Chambre Blanche, qui utilisent un peu ces stratégies-là par rapport à l'image. Assez intéressant. Alors, pour trouver toutes ces informations-là, autant sur le centre de documentation que sur les résidences, j'imagine, on va sur le site de la Chambre Blanche. Oui. Oui, dans les appels d'offres qui sera lancé très bientôt. Excellent. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous parler de ça et de nous avoir fait découvrir peut-être à certains auditeurs cette portion-là de la mission de la Chambre Blanche. Ben, ça fait plaisir. Puis, si les utilisateurs veulent aller sur notre site web, il y a toutes les formalités pour avoir l'application sur les plateformes mobiles. Mais merci beaucoup. Merci. Alors nous, on va faire une courte pause et on vous revient pour la deuxième demi-heure de l'émission. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fond au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électrotrad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électrotrad. La rencontre de ces deux univers est très prometteuse. Venez nombreux, l'entrée est libre. Le samedi 24 octobre à 19h30, édifice Denis Giguère. Le samedi 5 décembre à 19h30, centre communautaire Fernand Dufour. Détails au www.cvpv.net. Vous êtes de retour à l'aérospatiale. On entame la deuxième partie de l'émission et on s'intéresse maintenant à la foire en art actuel qui en est à sa troisième édition et qui aura lieu cette semaine du 22 au 25 octobre. Et je reçois avec moi Anne-Sophie Blanchet, commissaire invitée de la foire. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Alors, merci d'être parmi nous pour nous parler un petit peu de cet événement. On avait eu l'occasion les dernières années de le couvrir à l'émission, mais peut-être pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste la foire en art actuel de Québec? Oui, mais en fait, c'est un événement ponctuel, donc quelques jours pour présenter une belle brochette d'artistes de la relève, mais aussi des artistes chevronnés, majoritairement des artistes non représentés par des galeries aussi. Mm-hmm. Une des premières visées de la foire, c'est de justement permettre de promouvoir l'achat d'œuvres d'art et de permettre à des artistes qui sont non représentés d'avoir accès à cette visibilité à cette visibilité-là dans un cadre d'exposition de calibre professionnel. Mm-hmm. Donc vraiment, c'est de montrer que l'achat d'œuvres d'art, c'est pas nécessairement réservé à des collectionneurs aguerris, ça s'adresse à tout le monde. Il y en a pour tous les budgets aussi. Mm-hmm. Par exemple, cette année, on a des œuvres qui commencent à 55 $ et là, ça peut aller jusqu'à 10 000 $, mais une majorité d'œuvres très abordables dans les 1 000 $ et moins. Donc, on voit que l'achat d'œuvres d'art n'est pas réservé nécessairement là à une élite. Oui. Tout le monde peut avoir le bonheur d'avoir une œuvre d'un artiste québécois chez soi. Oui, c'est ça, encourager local, si on peut dire. Hein? Et donc, cette année, tu nous présentes 18 artistes, mais 15 ont été sélectionnés par toi, je pense, oui. dans cette sélection-là. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot sur quelques-uns, là, je veux dire, qui s'y trouve dans cette sélection que tu as fait? Ben en fait, pour résumer très brièvement, ma sélection s'est vraiment faite avec un désir de diversité. Mm-hmm. Donc, les artistes représentent un peu cette diversité-là, tant au niveau des médiums que des moments où ils sont rendus dans leur carrière. On a des artistes de la relève qui sont très prometteurs. Je pense notamment à Sarah Boot, mm-hmm. qui a été aussi connue là, par l'événement canadien Bacon. Donc, une relève qui est très vigoureuse à Québec. On a des artistes qui sont à mi-carrière, qu'on connaît déjà très bien, comme Jean-Robert Drouillard, Georgia Volpé, par exemple. Mm-hmm. Des artistes aussi plus aguerris, comme Robert Racine, oui. Qui fait partie de collections nationales, Musée national des beaux-arts, Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, un artiste qui est déjà très reconnu et bien implanté au Québec et à l'international. Bill Vincent aussi, qu'on a vu récemment à Amel Bruno, qui a eu une rétrospective, là, nous présente des œuvres inédites aussi. Et bref, une belle variété. Là. Oui. Ah ben c'est super, parce qu'aussi la foire, là, j'ai parlé de 18 artistes, mais toi, comme on disait, t'en as sélectionné 15, parce que l'événement aussi cherche à rallier différents intervenants du milieu des arts visuels, hein, ensemble. Oui, absolument. Bien qu'on ait une visée de représenter majoritairement des artistes non représentés par des galeries, mm-hmm. on a quand même un souci de dialogue avec le marché plus connu, donc c'est-à-dire les galeries d'art à Québec. Mm-hmm. Cette année, on a le plaisir de collaborer avec la Galerie 3, mm-hmm. La Galerie Lacerte et la Galerie Michel Guimond, mm-hmm. trois galeries de Québec. Donc, qui nous présentent chacun un de leurs artistes, donc oui. ce qui fait le compte de 18. Et puis, moi, j'étais curieuse de savoir, parce qu'on le soulignait, c'est un événement qui est ouvert à tous, autant aux collectionneurs aguerris qu'aux néophytes, hein, les mm-hmm. gens qui en seraient à leur tout début. Et je sais que tu as écrit un petit texte sur le site qui oui. nous parle notamment de faire l'acquisition d'une œuvre d'art. Mm-hmm. Et moi, je serais curieuse que tu nous dises qu'est-ce que tu dirais aux gens qui auraient envie de faire le saut, hein, de faire le premier pas pour acheter une première œuvre d'art. Ce serait quoi, si on peut dire, ton appel à ces gens? Mais en fait, ce qui m'a inspirée pour écrire ce petit texte-là, ça part de mon expérience personnelle. Je peux vous dire que d'avoir une œuvre d'art à la maison, ça embellit littéralement le quotidien, en fait. De s'entourer d'objets qui sont non seulement beaux, mais qui nous inspirent aussi, ça rend le quotidien, la maison, l'appartement plus agréable à vivre. On découvre tellement par les œuvres d'art. L'art nous parle de nous, nous permet aussi de définir notre identité, touche des sujets qui nous intéressent particulièrement. Donc, au-delà de l'esthétisme, une œuvre peut instaurer un dialogue entre une personne qui visite notre foyer et qui dit « Ah oui, pourquoi tu aimes cet artiste-là? Moi, j'aime les couleurs. Toi, c'est la démarche. Explique-moi un peu la démarche. Mm-hmm. » Et de là aussi... l'intérêt qu'on peut développer pour l'artiste en tant que tel, parce qu'une œuvre d'art ne se résume pas à l'objet. Selon moi, par expérience, on a tout avantage à rencontrer l'artiste quand on a la chance de le faire. Et c'est d'ailleurs un point fort, je pense, de la foire en art actuel. C'est l'occasion trop rare de rencontrer directement les artistes et de pouvoir discuter avec eux. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on a l'occasion de parler avec l'artiste, de l'écouter nous parler de sa démarche, nous expliquer l'œuvre, ce qui l'intéresse, ben notre regard est très souvent changé, un peu bouleversé pour le meilleur, parce que ça ajoute une profondeur à l'œuvre. Et là, on aime beaucoup plus que son esthétisme, mais on aime toute l'histoire qui peut se rattacher à l'objet aussi. C'est ça, exactement. On va beaucoup plus loin que la première couche, si absolument. On peut dire, de l'œuvre. Et justement, comme tu le soulignais, le plaisir de cet événement-là, c'est que lors du vernissage de l'événement, bien les artistes sont sur place avec nous. On absolument. Peut les approcher, leur parler, leur poser oui. des questions. Puis il faut en profiter. D'ailleurs, même durant la fin de semaine, l'événement se poursuit jusqu'à dimanche 17h. Les artistes, un bon nombre, vont aussi être ponctuellement à la galerie. Donc, on peut se présenter à la galerie et pouvoir rencontrer un ou deux artistes qui font partie de la sélection cette année. On a aussi une médiatrice qui va être sur place en tout temps, qui est là, évidemment, pour faciliter les ventes, mais également pour donner des renseignements sur les démarches et les œuvres qui sont exposées. Mm-hmm. Donc, c'est au-delà aussi de l'événement commercial, si je peux dire, il y a aussi d'achat. Oui. Il y a vraiment une démarche de médiation, d'approfondissement des connaissances de ces différentes pratiques-là d'artistes québécois. Super. Et donc, le vernissage a lieu ce jeudi. Oui. à 20h pour tout le monde, mais il y a un événement VIP pour ceux qui voudraient voir. Oui, puis il nous reste quelques billets pour le vernissage VIP, et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller sur le site de la Foire en Art Actuel pour vous en procurer un au coût de 70$. Ça vous permet d'avoir la première main sur l'achat des œuvres, bien sûr. Il y a des bouchées et un verre de bulle aussi pour agrémenter la soirée, donc ça donne un côté un peu plus festif pour débuter la soirée, mais bien sûr, le vernissage public est gratuit et il débutera à 20h. À 20h, super. Et je sais aussi que le Cercle des collectionneurs en art actuel propose une rencontre aussi d'artistes en rapport avec l'événement. Donc, dimanche 25 octobre à 11h, qui sont les artistes? Est-ce que tu les sais? Les artistes confirmés, Mathieu Vallade et Robert Racine, seront présents. Peut-être un troisième artiste surprise qui va se rajouter. Parfait. Donc, ouvert à tous et gratuit. Alors, on invite tout le monde à aller voir ce bel événement-là qui a lieu à l'Œil de Poisson, donc sur la côte d'Abraham, 580 côte d'Abraham, donc du 22 au 25 octobre, donc le 22 à compter de 17h pour le VIP ou 20h pour le grand public. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être venue nous en parler. On vient tout juste d'entendre l'extrait « Wow » de À la claire ensemble. J'ai le plaisir de terminer l'émission en m'entretenant avec Jonathan Villeneuve qui inaugurait la semaine dernière la première des deux œuvres d'art public prévues pour le nouvel amphithéâtre de Québec, maintenant baptisé le Centre Vidéotron. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Audrey. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci beaucoup. Alors, écoute, c'était vraiment très plaisant d'être avec toi et d'autres gens de ton entourage jeudi dernier pour voir finalement cette grande œuvre. Hein? Bien sûr, ça devait être tout un plaisir, mais un certain soulagement aussi de terminer cette œuvre de grande envergure. Oui, ben ça fait déjà un petit bout qu'on achève, puis avec toutes les cérémonies qu'il y avait alentour de l'ouverture d'amphithéâtre, nous on a réglé nos derniers trucs, puis on a laissé la poussière retomber, puis on a fait un petit événement pour l'occasion, oui. Oui. Et puis peut-être pour nos auditeurs qui se situent un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire où se trouve ton œuvre et en même temps nous glisser un mot sur en quoi elle consiste? Ben c'est dur à manquer. Dans le grand hall, juste au niveau des deux gros escaliers mobiles qui mènent à la coursive supérieure. Donc en rentrant, on regarde à notre gauche ou à notre droite, dépendamment d'où on entre, et puis on va voir une source lumineuse qui projette de la lumière bleue. On monte d'un étage, puis ce qu'on voit, c'est une murale de 4000 pieds carrés, qui est un haut-relief composé de 5120 cubes de plastique bleu qui sont disposés au mur de façon à créer un relief qui évoque une plaine enneigée, si on veut. C'est-à-dire un relief qui, au lieu d'être au niveau du sol, est tourné à 90 degrés, puis on projette au mur. Ensuite, chacun de ces cubes-là comporte sa propre source lumineuse d'aile. Oui. Ce qui est contrôlé indépendamment, c'est-à-dire c'est une pixel d'une image. Donc, ce haut relief-là, une fois qu'il est activé, c'est en fait un écran de 40 par 128 pixels. Donc, un écran à très basse résolution qui évoque à la limite les premiers jeux vidéo 8 bits. Puis, donc, ce qui est représenté à l'intérieur, c'est un paysage d'hiver qu'on a conçu à l'intérieur d'un engin de jeux vidéo. En fait, c'est un logiciel dans lequel on conçoit des jeux vidéo interactifs en 3D. Oui, c'est-à-dire, on a un monde, un paysage d'hiver dans lequel on a une caméra qui se promène selon différents points d'intérêt, puis qui monte un paysage qui s'active à mesure que il y a de l'activité qui est enregistrée dans l'amphithéâtre en temps réel. C'était là que je voulais en venir. Dans le fond, l'animation de ces images-là sont vraiment activées avec ce qui se passe à l'intérieur de l'amphithéâtre. Ça. Ultimement, on va avoir accès à des caméras de surveillance à l'entrée, puis aux micros d'ambiance qui sont disposés à l'entour de la glace. Donc, à deux moments, que ce soit à l'entrée, lorsque les spectateurs vont entrer dans l'amphithéâtre au début de l'événement ou pendant le déroulement de la partie, disons. Mm-hmm. L'action, soit sonore, soit visuelle, c'est-à-dire une caméra qui capte des gens, un flot de gens qui entrent dans l'amphithéâtre, c'est... Donc, plus il y a de monde, plus on va voir de neige, de vent. Finalement, plus ça va être la tempête, alors que lorsque l'amphithéâtre sera pas sera vide, ben ce sera seulement l'écran qui lui-même existe en tant qu'au relief, c'est-à-dire l'objet. C'est important pour moi qu'il y ait une parité entre l'objet que je fabrique puis le contenu lorsqu'il s'active. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de lumière, lorsqu'il n'y aura pas d'image, mais cet écran-là existe comme une grande surface bleue géante qui est en soi assez impressionnante. Oui, effectivement, tu m'ouvres la porte là-dessus parce que moi, c'est ce qui m'a un peu fascinée, c'est que c'est une très, très grande œuvre d'un bleu magnifique qui vraiment se vit et s'expérimente hein, sur le lieu, sur place. C'est une expérience du lieu, de l'espace. Hein. Faut prendre les escaliers roulants et dépendamment de où on est placé, on vit véritablement une expérience immersive là, dans cette immense plaine enneigée. Là. Ben, c'est intéressant dans un contexte d'art public que je puisse travailler à la manière d'une installation immersive, c'est-à-dire de carrément proposer... Ben, le spectateur, s'il veut découvrir l'œuvre, va devoir décrire son propre trajet puisque c'est pas possible de la capter d'un seul coup d'œil. Elle est trop grande pour qu'on puisse l'avoir d'une seule pièce. C'est une œuvre dont qu'on doit parcourir, pas seulement sur un plancher, mais sur plusieurs paliers en empruntant des escaliers. Oui. Ensuite, il y a la lumière qui habite, qui en vient à réfléchir sur les murs, sur les escaliers. Donc, au-delà de l'objet lui-même, mais aussi l'espace qui s'anime avec cette lumière bleue-là qui prend toute la place. Donc, oui, très intéressant dans un contexte d'art public de pouvoir travailler sur une expérience immersive. Comme oui, ça. C'est ça. C'est une proposition assez audacieuse pour un lieu public comme ça. Et puis, ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est le fait que t'aurais pu faire une proposition qui aurait pu aller vers l'historique, le côté nostalgique hein, aussi sur le hockey, hein, qui est lié beaucoup à la ville de Québec, ou du moins l'identité de la ville de Québec. On se rejoint beaucoup avec le hockey, mais t'es quand même rester dans l'esprit de la nordicité, de l'hiver, qui est très propre ici. Et j'ai trouvé que ça amenait aussi un côté très poétique à cet espace-là qu'on associe beaucoup au sport, mais ça reste toujours même l'hiver lié à ce sport qu'est le hockey aussi. Oui, mais c'est en fait, c'est d'essayer d'y aller, la représentation du côté naturel, c'est-à-dire du climat, mais en utilisant des moyens très... Bref, la rencontre entre la nature et la technologie, pour moi, essayer au final que l'un dépasse pas l'autre, c'est-à-dire que le contenu justement est lié à une caractéristique naturelle du lieu. Oui. Plus qu'à l'historique, oui, je me suis pas nécessairement attardé à ça. Puis déjà, les architectes, c'était le concept sur lequel, à partir duquel ils développaient l'édifice lui-même. Mm-hmm. Puis moi, j'ai décidé de travailler en intégration, c'est-à-dire de poursuivre sur cette idée-là de la nordicité pour mon projet. Super. Et puis, une œuvre comme celle-ci, avec cette ampleur, mais aussi la technologie qu'elle emploie, tu as travaillé en collaboration avec plusieurs autres intervenants, je pense. Oui, merci de me donner. C'est ça pour. Ben, si on parle du contenu vidéo, j'ai travaillé avec Thomas Frédéric pour la programmation visuelle. Mm-hmm. Il s'est occupé de ce volet-là. Ensuite, pour le. Qui est du design de l'objet lui-même, Générique Design à Montréal, avec qui j'ai travaillé, qui est un designer industriel, qui s'est occupé vraiment de comment est-ce qu'on fabrique ça avec des procédés industriels, qui était l'injection de plastique, qui était faite par Plastique Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli, avec un ingénieur électrique, René Wassenberg, que j'ai été chercher à Rotterdam, en Hollande, avec qui je voulais travailler depuis longtemps, qui a une expertise particulière dans ce type de projet-là. Donc, ouais, c'était une grosse équipe derrière moi, puis j'aurais pas pu faire le projet. C'est pas un projet qui se fait tout seul. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est souvent, on l'oublie, là, dans les œuvres d'art public, l'artiste est jamais laissé seul comme ça. Il a souvent toute une équipe technique aussi qui l'aide à réaliser, justement, à la hauteur, en tout cas du moins, de ses ambitions, le projet qu'il souhaite faire. Ben, c'est quand on travaille en atelier, on expérimente, on travaille nous-mêmes sur des projets, il n'y a pas vraiment d'erreur possible parce qu'on est vraiment dans l'expérimentation, mais sur des projets à cette échelle-là, c'est non seulement nécessaire, mais en plus, c'est assez intéressant de pouvoir travailler avec des professionnels aguerris sur une partie, un aspect spécifique du projet pour qu'en bout de ligne, ça tienne la route. Il faut que ça reste, c'est permanent. Donc, c'est pas le même type de processus lorsqu'on fait une exposition en galerie de son. Oui, effectivement. Eh bien, écoute, Jonathan, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler et j'invite tous nos auditeurs à aller voir, en tout cas du moins quand ils se présenteront au Centre Vidéotron, d'arrêter, de prendre un moment pour regarder cette œuvre-là. Et puis, j'ai aussi mis sur la page Facebook de l'aérospatiale et sur notre page web de l'aérospatiale la vidéo où on peut voir ton œuvre. Donc, vraiment, à voir. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci, Audrey. Au plaisir. Bye. Alors, nous, on va poursuivre pour une très courte pause audio, toujours à la claire ensemble, Piu Piu Afro-Bas Canadien. We'll be right back. comme à l'habitude, on va terminer l'émission avec un rappel des expositions, événements, vernissages de la semaine. Donc, ce mercredi 21 octobre aura lieu le début des 20e rencontre interuniversitaire des maîtrises en arts visuels. Le vernissage est demain à 17h aux ateliers du roulement à Bille. Il y aura également dans le cadre de cet événement des conférences le 22 et 23 octobre, donc de 10h, entre 10h et 16h et 10h et midi. Jeudi, on a un concert midi à l'auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est gratuit et bien sûr à midi. Vernissage également jeudi de la foire en art actuel dont on a parlé tout à l'heure, 20h pour tous et pour les chanceux qui veulent se prévaloir en avance d'une œuvre d'art. C'est à 17h avec l'achat d'un billet pour la soirée VIP. Vernissage des expositions aussi jeudi de Jin Young Kim et de Stéphanie Roland à Vue. Donc, si vous allez à la foire, faites juste un petit saut de l'autre côté chez Vue à partir de 20h. Il y a également aussi jeudi vernissage progressif à l'occasion de l'échange Québec-Tente, dont on aura l'occasion de parler éventuellement à l'émission. Donc, à 17h, l'exposition de Mathieu Crimersois et Olivier Garraud à la Galerie des arts visuels. 19h, Béatrice Darcher et Michel Gerson au lieu. Et à 21h, performance et installation subtecture accueillie par Avatar et s'est présentée au Pantoum. L'ouverture au public de cette performance et installation du 22 au 25 octobre avec un atelier et présentation le 23 et le 24. Consultez le site de la Manif d'art pour toutes les informations. Sinon, vendredi, il y a lancement du livre Jeunesse perchée sur mes hautes jambes de l'artiste et illustratrice Valérie Boivin au Lièvre et à la Tortue, juste ici tout près de CKRL sur la 3e avenue au Lièvre et la Tortue, donc 17h à 19h. Et c'est la dernière semaine pour voir l'expo Buffet campagnard de Dan Bro à la Galerie 3. Ne manquez pas cette superbe exposition. Toutes les informations et la balado-diffusion de l'émission sont disponibles sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Je remercie mes invités Samuel Breton, Caroline Belzile-Normand, Anne-Sophie Blanchet et Jonathan Villeneuve, mes collaborateurs Simon Roy, Jacques Gignac à la mise en onde et ma comparse de cette émission, Jean-Tiane Lafrance. Je cède le micro à Pierre Blais et son émission Situation critique. Et nous, on se revoit mardi prochain à 17h30. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électrotrad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électrotrad. La rencontre de ces deux univers est très prometteuse. Venez nombreux, l'entrée est libre. Le samedi 24 octobre à 19h30, édifice Denis Giguère. Le samedi 5 décembre à 19h30, centre communautaire Fernand Dufour. Détails au www.cvpv.net. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Pour son édition d'automne, la revue Planche sort ses couleurs. Sous la couverture de Richard Suicide, Simon Labelle surprend par son humour acide. Et Martin PM offre un récit très recherché sur les rapports entre la politique et les caribous. Pour cette 5e parution, une nouvelle rubrique voit le jour.